on va passer à la suite et notre dernier titre entre guillemets titre surnaturel c'est Sons of the Devil chez Glénat Comics encore, c'est pour toi Anthony. 15 février c'est sorti, 160 pages, 14,95€, encore une fois bravo, le prix est correct. Pourquoi j'ai lu ça ben parce que sur la couverture c'est marqué Brian Buccellato et que je suis faible. C'est honnête au moins. Parce que Brian Buccellato quoi. Excuse acceptée. Voilà, ouais. Je pense que ça suffit, ça parle de soi-même. Il est avec Tony Infante, cette fois au dessin. Tony Infante, qu'on a déjà vu, je crois, chez Glena sur un autre titre. Alors par contre, vous dire lequel, je saurais pas, et la rigueur, c'est pas forcément très important. Alors, Sons of the Devil, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Travis, qui est un mec a priori normal, qui a des problèmes au boulot, qui a des problèmes dans sa vie, voilà... sa vie perso avec sa copine notamment, ce mec-là a un chien, voilà, tout ce qui est plus classique, sauf que très vite on voit qu'il y a un truc qui cloche, c'est que ce mec-là il a un œil rouge, un œil bleu. Voilà. Et puis on s'aperçoit que de naissance il est orphelin et que il s'est passé des choses dans son enfance qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui il a tendance à virer petit à petit psychopathe ultra-violent. Et puis on va découvrir un petit peu plus loin que c'est pas le seul à avoir ce fameux œil rouge et cet œil bleu. Un œil rouge, un œil bleu, il y en a d'autres. Et puis, on va continuer notre lecture et on va découvrir que tout cela, enfant, bah, peut-être qu'ils se sont croisés. Et peut-être qu'ils viennent de quelque chose ou quelqu'un de commun. Enfin voilà, on va suivre un petit peu, on va remonter un petit peu le fil du temps et tout ça va nous donner une pièce du puzzle, on va pouvoir emboîter avec une autre, etc. Et petit à petit, on a une espèce de plan d'ensemble qui commence à se dessiner. D'un truc peut-être un peu mystique effectivement, parce qu'il y a beaucoup la présence on sent bien en arrière-fond la présence de tout ce qui est diable, les cultes occultes, les choses un peu démoniaques, etc. On sent qu'un fond comme ça, même si ça nous est encore pas balancé, enfin si, ça nous est quand même balancé frontalement la gueule par moment, mais voilà, c'est pas encore clair que tout ça pourrait être surnaturel, mystique, démoniaque, est-ce que vous voulez. Mais on sent bien qu'il y a un truc de pas clair. Enfin, a priori, des personnes qui ont un œil rouge, un œil bleu, bon, qui ont l'air un peu lumineux, en plus ses yeux, c'est pas des choses qu'on croise tous les jours dans la vraie vie. Donc on va suivre tout ça. Au début, on n'y connaît rien, on comprend rien, on ne sait pas pourquoi ce mec il est là, pourquoi il a ce visage-là, pourquoi il a l'air d'être un psychopathe, qu'est-ce qui lui est arrivé. On sait bien qu'il lui est arrivé quelque chose, mais quoi. Et puis petit à petit, tout va commencer à se reconstituer et on va comprendre à la fin du premier tome qu'on est face à un espèce de schéma d'ensemble qui semble bien plus grand que ce qu'on a bien voulu nous présenter au tout début. Donc ça m'intéresse plutôt d'aller voir la suite. Non plus cette fois par fanboyisme pour Brian Buccellato, mais parce qu'encore une fois, il m'a proposé un truc que j'aime bien. Voilà, il a su m'intéresser, ses personnages sont intrigants, ce qui leur arrive, leur passé est assez mystérieux. Ces personnes qui gravitent autour de Travis notamment m'interpellent aussi, son père notamment, des choses comme ça. J'essaie de pas trop en dire parce que j'ai hyper peur de spoiler pour ceux qui seraient intéressés de lire ça. Alors évidemment, Glénat se prête au petit jeu commercial derrière, hein, de nous mettre des commentaires d'autres grands scénaristes qui disent que c'est génial, que c'est un grand comics d'horreur, que ces deux-là sont au sommet de leur art, etc. Alors les personnes qui disent ça s'appellent Joshua Elfialkov, s'appellent Kyle Higgins et s'appellent Scott Snyder. Donc a priori, peut-être qu'on peut en croire quelques-uns. A priori, ils sont plutôt talentueux, ces bonhommes. Tony Infante au dessin, c'est, ma foi, gras. C'est le premier mot qui me vient, c'est gras. Mais c'est percutant, c'est ultra violent, ultra gore, trash. Ça colle bien un peu avec l'histoire, avec la psyché de Travis et des autres. Ouais, cette espèce de trait un peu gras au niveau de l'ancrage, ouais, ça colle bien. Ça, je le conseille plus que Wayward déjà. Je pense que vous serez moins déçus en lisant ça qu'en lisant Wayward. C'est un peu moins alambiqué ou nébuleux ou ce que vous voudrez. Ça tranche un peu plus dans le gras. C'est plus cash et tout de suite on sait un peu plus à quoi on a affaire. Moi quand je lis un tome 1, j'ai envie de savoir où est-ce que je vais aller, j'ai envie de comprendre un peu deux trois choses, de me poser des questions pour me dire ça pourrait aller vers là, lui il pourrait être ça en fait, etc. Ce que j'avais pas forcément avec Wayward, mais ce qu'on a dans Sons of the Devil. On a énormément de questions, mais on a quelques indices pour les réponses. C'est quand même ça qui moi m'importe quand je lis un tome 1. Donc du coup, le tome 2, ouais, je pense que j'irai. je pense que j'irai. Je sais pas quand ça sort, parce que Glénat sort beaucoup de tome 1, mais après les tomes 2, faut attendre parfois. Donc, à suivre.